France Inter, franceinter.com. Une journaliste tuée à coups de pistolet, un ancien agent secret empoisonné à l'aide d'une substance radioactive, mais combien d'autres crimes qui n'ont pas retenu la curiosité des médias occidentaux ? Hommes politiques, banquiers, policiers, malgré la poigne de fer de Poutine, la société russe est chaque jour plus violente. Monsieur X m'a souvent parlé de la Russie et il n'y a pas encore si longtemps, il a mis l'accent sur la mainmise du pays par les anciens du KGB et son avatar actuel, le FSB. Une opération préparée de longue date depuis l'ère Andropov, c'est-à-dire au début des années 80. C'est ainsi que les guébistes ou les tchéquistes ont conquis peu à peu tous les leviers du pouvoir, le pouvoir politique naturellement, mais aussi la sphère économique. Quant à la presse, elle est muselée et rares sont encore les journaux indépendants qui peuvent faire preuve d'esprit critique vis-à-vis des institutions officielles. Face à une justice aux ordres et une opinion apathique et chloroformée par les deux premières chaînes de télévision contrôlées par le pouvoir, les assassins peuvent agir en toute impunité. Et si, par exemple, les hommes de main qui ont exécuté la journaliste Anna Politkovskaya ont été identifiés, il est douteux que les commanditaires de ce crime soient jamais retrouvés et donc condamnés. Il en va de même pour les instigateurs de l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko. Monsieur X essaie d'éclaircir certains de ces mystères. А в руках топор Он поймал реально поглюка Ты баскервильская сука Вау! Когда тебя ебут, то ты орешь вот так Что у всех соседей случается столбняк Они тоже ловят реально поглюка Ты баскервильская сука Вау! France Inter, rendez-vous avec X. Deux abcès, au moins, empoisonnent la Russie actuelle. L'affaire tchétchène et la corruption généralisée. Oui, à la suite de la privatisation des grandes entreprises soviétiques. Bien entendu, hein. Oui. Cette privatisation à marche forcée a abouti au bradage de secteurs entiers de l'économie. Et ça a permis aux oligarques, comme on les a appelés, d'amasser en peu de temps des fortunes inimaginables. D'accord, mais enfin, Poutine est entré en guerre d'ailleurs assez récemment contre ces oligarques. Contre certains, oui, parce qu'ils avaient des ambitions politiques et se posaient en rivaux. Mais ceux qui ont renoncé à la lutte pour le pouvoir et qui ont alimenté les caisses du parti majoritaire ont été laissés en paix. Et d'ailleurs, Faut pas oublier que beaucoup des plus grosses entreprises du pays sont maintenant contrôlées par les anciens du KGB. Mmh. Ce sont donc des alliés naturels de Poutine. Et le chef du Kremlin ne s'est pas oublié, si j'en crois un récent article de Libération. Officiellement, à la tête d'un patrimoine relativement modeste, Poutine serait en réalité, via des fonds offshore, un des hommes les plus riches d'Europe. Oui, mais vous utilisez le conditionnel, hein ? Bien obligé. Encore que le politologue russe qui est à l'origine de ces révélations a pu rendre publique cette information à plusieurs reprises, sans être démenti ni poursuivi. Mais enfin, ça c'était une parenthèse. D'accord. Autre conséquence de cette corruption galopante, c'est une autre sorte de privatisation. Celle de ce qu'on appelait autrefois en URSS les organes de sécurité. Oui, c'est-à-dire la police, les services secrets. Essentiellement le FSB, qui est l'un des services qui a succédé au KGB. Certains membres de ces administrations ne travaillent plus réellement pour l'État, mais pour des intérêts privés. Et ça va très loin, puisque, à l'occasion, ils peuvent aussi se conduire comme des tueurs à gages. Parmi les gens de l'équipe responsable de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, on trouve par exemple 6 policiers et un officier du FSB, selon les premières informations diffusées par le procureur. Dans ce cas précis, il y a peut-être une volonté d'aboutir. Certes. Toutefois, dans ce cas-là, la justice était aiguillonnée par les journalistes de Novaya Gazeta qui menaient leurs propres investigations. Ça, c'était le journal d'Anna Politkovskaya. Hein. Et on reparlera de cette affaire, si vous le voulez bien. Mais dans l'ombre d'autres crimes, il n'y a même pas eu ce début d'enquête. 3 semaines avant la mort de la journaliste, le vice-gouverneur de la Banque centrale, Andrei Koslov, a été assassiné lui aussi. Ce haut fonctionnaire avait le tort de s'attaquer fermement au blanchiment d'argent. Et ça m'étonnerait fort qu'on découvre un jour qui l'a abattu, ou plutôt qui a commandité cet assassinat. Oui, c'est ça qui compte. C'est pourtant un personnage éminent. Hein. En effet, le plus haut responsable liquidé depuis le début de l'ère Poutine. Alors, vous avez dit deux abcès. L'autre abcès, c'est la Tchétchénie. Oui. Notez bien que dans les deux affaires dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'assassinat d'Anna Politkovskaya et l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko, on trouve la Tchétchénie. La Tchétchénie qui, faut pas l'oublier, a permis à Vladimir Poutine de gravir les échelons du pouvoir. Oui, en réactivant le conflit. C'est exact. Comme elle avait déjà permis au président Eltsine d'être réélu en 1996. Et aujourd'hui, alors que les prochaines élections présidentielles et législatives se profilent en Russie, il est tout à fait possible que le pouvoir à nouveau provoque une crise dans le Caucase. Ah bon, mais où alors cette fois ? En Ingouchie. Expliquez là. L'Ingouchie, comme vous le savez, est une république voisine de la Tchétchénie. Et comme elle fait partie de la Fédération de Russie. Et elle est majoritairement peuplée de musulmans. Hein. Oui, tout comme sa voisine. Or, une guérilla islamiste y sévit plus ou moins. Il est évident qu'à l'origine de ces troubles, on trouve l'exemple tchétchène. D'autant que de nombreux tchétchènes, fuyant leur pays en guerre, ont trouvé refuge dans cette république sœur. Par conséquent, Moscou surveille la situation de très près. Et y a déjà envoyé des troupes du ministère de l'Intérieur et des éléments armés du FSB. Le Kremlin a même fait de l'Ingouchie une zone d'opération antiterroriste, ce qui permet tous les excès. Les exactions, vous voulez dire ? Naturellement. La soldatesque russe brutalise, enlève, assassine, et ne fait pas bon résister ou s'opposer, ni même enquêter sur ces violences. Un Ingouche, officier du FSB, envoyé pour faire la lumière sur des cas de disparition, a été abattu à peine arrivé dans son pays natal. Quant à un autre enfant du pays, un magistrat, il a été enlevé et nul ne sait ce qu'il est devenu. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera sans doute pas, que la République d'Ingouchie est dirigée par un général du FSB, qui est un ami personnel de Vladimir Poutine. Ouais. D'accord, mais à quoi riment ces violences alors ? À l'évidence, le Kremlin, en exacerbant ses troubles, et même parfois en les créant, entend montrer à l'électorat russe qu'il continue à mener une lutte sans concession contre le terrorisme et sa composante islamiste. Comme George Bush, au fond. Alors. C'est vrai que la comparaison n'est pas dénuée de fondement. Et puis d'un point de vue purement démagogique, Poutine joue sur du velours, tant il existe désormais en Russie un véritable sentiment raciste à l'égard des peuples caucasiens. Du bronzé, quoi. Ou des noirs, c'est ainsi qu'on les nomme à Moscou et ailleurs où ils font parfois l'objet de discriminations et même de véritables ratonnades de la part de voyous ou de skinheads. Et surtout, depuis les événements de Tchétchénie. Naturellement. D'un autre côté, il faut aussi voir que l'Ingouchie, comme sa voisine tchétchène, a une frontière commune avec la Géorgie. Or, depuis la révolution de 2003 et la chute du président Chevardnadze, ce dernier pays est devenu la bête noire de Moscou. Oui, parce qu'il s'est tourné vers l'Occident. Hein. On considère même que la Géorgie est un bastion avancé de l'Ouest au sein de l'ancien empire soviétique. Alors le Kremlin, qui soutient directement les séparatistes abkhazes et ossètes, n'hésite pas à provoquer des incidents frontaliers avec les autorités de Tbilissi et pratique à l'intérieur de la Fédération de Russie un véritable ostracisme vis-à-vis des Géorgiens, dont beaucoup ont été renvoyés chez eux. Oui, mais c'est un jeu dangereux. Hein. Et qui pourrait bien un jour déboucher sur une déstabilisation de toute la région. Car le cycle rébellion-représailles est difficilement contrôlable et ne peut que fabriquer des islamistes encore plus radicaux. D'autant que les forces de sécurité semblent se livrer là-bas à de véritables provocations. En tout cas, c'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui en Ingouchie rappelle étrangement ce qui s'est passé en Tchétchénie en 1994. Oui, lors du premier conflit, donc. Boris Eltsine était alors menacé. On pouvait légitimement penser qu'aux prochaines élections législatives, et surtout à l'élection présidentielle de 1996, le clan Eltsine subirait une cuisante défaite. On prévoyait même une victoire des communistes. Mais je vous arrête tout de suite, là, parce que vous parlez de comparaison. Poutine et son parti ne sont aujourd'hui nullement menacés. On peut même penser que le maître du Kremlin va réussir son tour de passe-passe. Là. Ouais, devenir Premier ministre sous un président Potiche. Ouais. Vous avez raison. L'opinion lui est acquise et l'opposition, très divisée et empêchée de s'exprimer par tous les moyens, n'est pas en mesure de s'imposer. Il n'empêche que lorsqu'une échéance électorale se présente, il n'est jamais inutile de mettre tous les atouts dans son jeu. Et puis, derrière, il y a la volonté de Poutine de durcir toujours plus le régime. Poutine qui n'a jamais fait mystère de sa nostalgie d'une URSS puissante et qui pouvait en imposer à l'Occident. Ouais. D'où ces réactions très violentes, hein, dès qu'un pays ex-soviétique tente d'échapper à la sphère d'influence de la Russie. Comme la Géorgie ou l'Ukraine. Alors reprenons. En 1994, Eltsine se lance dans la guerre en Tchétchénie pour se refaire une santé en se posant en champion de l'intégrité de la Russie. Alors même qu'il est le principal artisan hein, de la désintégration de l'Empire soviétique. C'est juste, mais enfin, peu importe. L'argument fait mouche. Dans un pays déboussolé, appauvri et qui a perdu de sa superbe, on ne fait jamais appel en vain à la fierté nationale. Et même carrément au nationalisme. Parallèlement, la propagande orchestrée par les services secrets se met de la partie. Et quels arguments alors ? Oh, des insinuations très classiques qui, à la lumière des événements actuels, ont un air de déjà-vu. On prétend par exemple qu'on aurait repéré en Tchétchénie des concentrations de groupes terroristes mêlant extrémistes de droite turque. Les fameux lougris, là. Et aussi ouais. Des moudjahidines afghans. Ah ouais, rien de nouveau sous le soleil. Non, d'autre part, on aurait aussi vu en Tchétchénie des mercenaires arrivés des républiques caucasiennes voisines. Bref, il faut au plus vite juguler ce qui pourrait bien devenir une explosion générale dans le Caucase. Oui, c'est ainsi qu'on justifie hein, la nécessité de faire cette première guerre. Et puis, il y a le pipeline. 150 kilomètres de tubes qui traversent la Tchétchénie et acheminent le pétrole de la Caspienne vers la mer Noire. Ouais, un oléoduc stratégique. Et qui est souvent piraté par la mafia tchétchène. Par conséquent, la sécurisation de ce pipeline vaut bien des sacrifices. Et même une guerre qui fera des milliers de morts. C'est pourquoi, en 1995, l'historien Karel Bartak peut évoquer dans un numéro du Monde diplomatique de 1995 le pari sanglant de Boris Eltsine. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Anna Politkovskaya, dont M. X va reparler, a été l'une des critiques les plus lucides du système Poutine. Et voici ce qu'elle répondait quand on lui demandait pourquoi elle n'aimait pas Poutine.